Le méchant est parti. Il n'a pas tiré la chasse. Ce blaireau s'est enfui. Il n'a pas tiré la chasse. Moi, ça m'énervera. Les gens qui partent sans tirer la chasse, ça remplit le couloir d'une odeur vraiment bizarre. Voyez ce connard, si jamais il frappe à votre porte et qu'après il se bat sans tirer sur la chaîne des chiottes, jetez-lui à la figure sa mère pour être bien sûr que plus jamais il ne s'en sent la tirer.